mère m'a mariée, ring queen queen et youlala. Ma mère m'a mariée, oh gros oui que voilà là là, oh gros oui que voilà. La première nuit de mes noces, ring queen queen et youlala. La première nuit de mes noces, avec lui je coucha là là, avec lui je coucha. Il me serra si fort, ring queen queen et youlala. Il me serra si fort que je faillis mourir là là là, que je faillis mourir là. J'appelais ma servante, ring queen queen et youlala. J'appelais ma servante Marguerite et tu la la la, Marguerite et tu la. Va-t'en dire à ma mère, ring queen queen et youlala. Va-t'en dire à ma mère que je vais mourir là là là, que je vais mourir là. Ma mère qui était vieille, ring queen queen et youlala. Ma mère qui était vieille, ça mène un petit pas là là, ça mène un petit pas. Courage, courage ma fille, ring queen queen et youlala. Courage, courage ma fille, va, tu n'en mourras pas là là, va, tu n'en mourras pas. Car si j'en étais morte, ring queen queen et youlala. Car si j'en étais morte, tu ne serais pas là là là, tu ne serais pas là. Ni toi ni ta sœur Anne, ring queen queen et youlala. Ni toi ni ta sœur Anne, ni ton petit frère Nicolas là là, ni ton petit frère Nicolas. Après tout si t'en meurs, ring queen queen et youlala. Après si tu t'en meurs, eh bien on inscrira là là, sur ta tombe on inscrira. Fille morte à la guerre, ring queen queen et youlala. Fille morte à la guerre, au combat dans les draps là là, au combat dans les draps. Ouais.